Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour les titulaires. On n'était pas loin, on était juste avant dans le Studek soir. Et voilà, les titulaires, je vous ai dit, on va parler forcément de Barcelone-Lyon, on va parler de la liste de Didier Deschamps, j'ai tout le programme là devant moi. Bayern-Liverpool, Juve Atlético, City-Schalke un petit peu, l'Europa League qui arrive là dans quelques heures avec Arsenal-Rennes, forcément le Classico dimanche, il y a aussi un derby milanais, et on fera un petit débat sur la Serie A qui est un petit peu boudée, notamment en France, ça sera notre débat, et on essaiera de parler aussi un peu cyclisme et vous donner les derniers résultats comme j'ai pu vous le donner dans le Studek soir. Simplement, on va commencer les amis, tout simplement. Allez. Avec la Ligue des Champions, on nous présente avec Barcelone-Lyon, mais je vais vous présenter exactement, ça nous arrangera. Alors je vais vous présenter tout d'abord Gwendal à la réalisation, salut Gwendal. Et... Salut tout le monde, comment ça va? Ça va Gwendal. Et donc Johan Guillet, ça va Johan? Salut. Exactement, c'est tout ce que j'attendais. Antoine Ballet, comment tu vas Antoine? Ben, en pleine forme, hein. un peu déprimé encore, mais bon. Pourquoi? Bah, une petite élimination en Ligue des Champions, quoi, mais bon. Ouais, tu parles certainement de l'élimination de Liverpool. Ouais, voilà, exactement. Tout simplement. Surtout qu'ils sont qualifiés. En plus, ouais, mais chez moi, non. On va commencer tout de suite, donc, avec Barcelone-Lyon. Et c'est parti, les amis. Barcelone-Lyon, 5-1. Gwendal, de toute façon, ne veut pas lancer de jingle. Je l'ai bien compris. Mais c'est pas grave, Gwendal, on t'aime quand même. Tu lui as dit bonjour, il a cru qu'il avait une promo, il veut plus rien faire. Exactement, exactement. En parlant de cyclisme, d'ailleurs, tu pourras donner ton avis, Gwendal, à la fin. Il n'y a pas de souci. Et voilà, exactement. 5-1. Alors, c'était un petit peu une déculottée, hein, on ne va pas se le cacher. Mais Lyon, finalement, est-ce que Lyon ne va pas avoir des regrets, Johan? En fait, c'est un peu la déculottée cachée, le score un petit peu flatteur, finalement. Parce que Lyon, en soi, Lyon ne fait pas un grand match, qu'on se mette bien d'accord. C'est clair et net que Lyon ne fait pas un grand match. En revanche, Lyon concède ce pénalty qui était totalement inexistant suite à apparemment une erreur de la VAR. Et derrière, surtout, quand Lyon réduit le score et revient à 2-1, il y a 10 grosses minutes lyonnaises, hein, qui pressent, et Barcelone tient le coup. Et forcément, on sait très bien que quand tu as ces 10 minutes-là et que tu n'arrives pas à mettre ce but... Souvent, à la fin, tu as un petit peu de fatigue et voilà, Lyon s'est pris 3 buts en même pas 10 minutes. Bah après, 3e but, de toute façon, ça devenait compliqué parce que le moral est sapé en fait. Quand tu reviens à 2-1, là, tu te dis, voilà, tu vas mettre toutes tes forces dans la bataille et quand tu prends le 3e, c'est là que c'est vraiment très très dur de revenir. Ouais, il a fait mal. Puis il y a eu des faits de jeu, les amis, notamment le VAR. On est obligé de parler de la faute, j'allais dire la faute. Mais non, il n'y a jamais faute. Il y a faute de Suarez. Voilà, il y a faute de Suarez. Le contact entre Suarez et Denayer, pour vous expliquer, en fait, Denayer veut tacler dans la surface, mais retient son pied. Suarez lui marche sur le pied, tombe, pénalty pour Barcelone. Un problème de VAR, apparemment. Oui. Est-ce que les gros sont pas toujours favorisés? Franchement, on peut prendre le contre-exemple du Real qui a pris un but avec une touche qui avait apparemment... Oui, c'est vrai. Voilà, une action qui a suivi, la balle était peut-être sortie en touche. Sur plusieurs angles, c'était difficile de savoir si la totalité de la sphère du ballon était sortie. Mais grosso modo, beaucoup ne l'auraient pas validé, je pense. Donc voilà, on peut dire que pour le Real, ça ne leur a pas profité. En revanche, pour Barcelone, c'est quand même... Enfin, ce qu'a dit l'UEFA, c'est quand même assez incroyable. Genre, on a eu un problème de quelques minutes avec la bizarrement VAR. Là, à ce moment-là. Par contre, quand Touzard a marqué le but, là... 3 minutes. Ah ouais, 3 minutes sur un jeu, alors qu'ils sont sur la même ligne. Mais c'était vraiment n'importe quoi. Antoine, un problème de VAR, je sais que t'es pas forcément pour la VAR. Je me compte, c'est son ex. mais un problème de VAR en Ligue des Champions, autant en Ligue 1, il y a un manque de moyens, peut-être financiers, en Ligue des Champions, c'est compliqué. Bah, on sait qu'en Ligue 1, il y avait le problème avec la goal line, parce qu'ils avaient pris l'opérateur le moins cher, qui avait donc déconné toutes les 10 secondes. Vive non, mais en Ligue des Champions, je crois que c'est la société OK. Là, je ne vais pas m'avancer, parce que c'est pas forcément... Mais le problème n'est pas l'utilisation de la VAR, même si on note quand même qu'il y a eu, sur 8 matchs, il y a 5 polémiques, quand même. Il y a 5 matchs où il y a des polémiques à propos de la VAR. Alors que c'est le premier tour de Ligue des Champions où elle est employée. Je pense que c'était trop tôt. La VAR en Ligue des Champions, elle était prévue pour être ajoutée en 2019, à la saison prochaine, 2019-2020. Là, ils ont décidé de l'avancer. Si tu fais ça, il faut être sûr à 100% que ça marche. Visiblement, c'est pas le cas. Il faut changer plusieurs choses. C'est vrai que plusieurs journalistes et même plusieurs joueurs pointent du doigt le fait que ce sont des arbitres, soit ce sont des anciens arbitres, soit ce sont des arbitres qui n'ont jamais été sur un terrain, qui te disent d'aller voir. Alors certes, Certes, ce ne sont pas eux qui prennent la décision, mais ils t'influencent quand même grandement quand ils te disent « va voir ». Il suffit de voir PSG Manchester. C'est ça. Il suffit de voir PSG Manchester. Exactement ça. Là, l'arbitre... Puis en plus, bon, après pour moi, on a vu sur ce match le problème principal de la VAR, en dehors de toutes les autres considérations, c'est que ça te coupe complètement du jeu. C'est-à-dire que l'arbitre, il prend une décision qui est dans le sens du jeu. C'est-à-dire que voilà, des fois, il y a une faute où tu vas laisser jouer parce que c'est le jeu. Des fois, il y a un hors-jeu qui est d'un centimètre. Mais voilà, c'est compliqué à gérer avec la vitesse, le départ du ballon est compliqué. Et en fait, la VAR, elle annule complètement tout ça en disant, voilà, projecteur sur quelque chose. Et c'est ce qui avait posé problème aussi sur la faute d'Mbanyang. La VAR a mis le projecteur sur le point de contact et pas sur l'action globale qui est la dangerosité du tacle. Là, bon, on a eu la même situation. On va revenir sur le match. Je parlais d'effet de jeu. Il y a eu donc le VAR, on en a parlé. Il y a aussi la sortie de Lopez. Ça a fait très très mal à Lyon. Lopez qui faisait encore un très grand match, hein, encore à un haut niveau. Et qui a, après un contact avec Coutinho, il me semble, était un petit peu sonné. Il a dû sortir contre sa volonté en plus. Et ça a pesé lourd dans la balance, notamment quand on voit les buts de Messi. On va y revenir. Est-ce qu'on en attendait pas trop de Lyon ? Lyon qui avait fait l'exploit à Manchester City, qui avait gagné 2-1 là-bas, 2-2 au match retour à domicile, qui avait gagné contre Paris à domicile aussi en championnat. Est-ce qu'on en attendait pas trop ? Je pense pas, parce que Lyon a fait un match encore une fois un peu correct. Après, quand tu, comme j'ai dit, on en a déjà parlé, tu prends le troisième but, t'es sonné. Mais Lyon résiste. Lyon a moyen de faire quelque chose sur ce match. Après, on le sait, le Camp Nou, c'est toujours compliqué. Même si on peut pas parler d'ambiance vraiment au Camp Nou, parce que c'est beaucoup de spectateurs, mais quand même, l'atmosphère Ligue des Champions, la pression de 80 000 personnes, c'est quand même énorme. Donc non, je pense que c'est quasiment 90 000, je crois même, le Camp Nou. C'est presque 100 000, le Camp Nou, voilà, total. Voilà, en fait, donc je pense que là... On ne peut pas dire qu'on en attendait trop de Lyon, qui avait moyen de faire quelque chose, qui a tenté sa chance et qui... Bah, y a eu des faits de jeu, il y a eu la sortie de Lopez. Il y a ça aussi à prendre en compte. Alors moi, je trouve que si. Puis c'est le Barça. Moi, je trouve que si. Je trouve qu'on en attendait trop de Lyon et qu'en fait, c'était une bonne chose. On demande à Lyon de sortir le Barça. Évidemment qu'on leur en demande trop. Enfin, c'est une totale évidence. Le Barça est 1000 fois supérieur à Lyon, sans manquer de respect aux hommes de Bruno Genesio. Mais le Barça est aujourd'hui, avec Manchester City et la Juventus, je pense, les trois gros favoris pour cette Ligue des Champions. On demande à Lyon de sortir le Barça dès les huitièmes. Mais au vu du match, ouais, Lyon a eu une période où, quand ils sont revenus à 2-1, ils auraient pu mettre le deuxième but. Mais c'est justement parce qu'on leur en demande trop qu'ils savent le faire. On leur en demande trop parce qu'on sait qu'ils savent faire ce trop, en fait, justement. On leur en demandait trop. On leur disait, vous devez être l'équipe qui doit battre Paris, sinon Paris va finir invaincu cette saison en Ligue 1. Ils l'ont fait. On leur a dit, vous allez vous faire tartiner littéralement à Manchester City. Lyon a gagné 2-1. On l'a dit au match retour, ils vont se venger. Lyon a fait 2-2 et doit gagner ce match 1000 fois. C'est parce qu'on leur en demande trop, justement, que Lyon sait le faire. Sauf que cette fois, entre les faits de jeu contraires, parce qu'on a parlé du pénalty concédé et de la sortie sur blessure d'Anthony Lopez, faut pas oublier que ça arrive au bout de 25 minutes, ça, au total, je crois, 25 ou 30 minutes. Donc déjà, c'est un début de match chaotique pour Lyon. C'est difficile, c'est même quasiment impossible de se relever après ça. Ouais, puis après, Lyon, en fait, c'est l'inverse de Paris. C'est-à-dire que Lyon est toujours là, très fort dans les moments où on l'attend pas, et Paris, c'est quand on l'attend qu'il n'y arrive pas. Et Genesio, justement, s'exprimait après le match. Le regret, c'est de ne pas avoir pu faire en première mi-temps ce qu'on a réussi à faire en deuxième, parce que je pense qu'il y avait peut-être moyen de leur poser davantage de problèmes. Après, lorsqu'ils ont un Messi à ce niveau-là, c'est aussi compliqué. Un Messi à ce niveau-là. Messi qui a été exceptionnel. Il devait répondre à Ronaldo. Il l'a fait dans les grandes lignes. Bah, je pense que c'est pas de chance pour Lyon, hein. Tout simplement. Il devait répondre à Ronaldo. Comme à chaque fois, ça. Je pense que j'avais vu un tweet de quelqu'un qui disait il y a plus dangereux que Messi, c'est Messi qui doit répondre à Ronaldo. Ouais, c'est exactement ça. C'est un joueur exceptionnel. C'est le meilleur joueur du monde, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et quand tu l'as en très grande forme comme ça, voilà, on en a un qui nous claque un triplé, l'autre qui nous claque deux buts, deux passes décisives. Un Barcelone-Juventus en finale de Ligue des Champions, je dis pas non, vraiment. Ouais, c'est ce qu'on attend, un Barcelone-Juventus, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais ça serait un gros match, le duel Ronaldo-Messi. On va faire une petite pause de 30 secondes et on va parler des représentants français, il n'y en a plus beaucoup en Ligue des Champions, il n'y en a même plus du tout, il en reste qu'un, c'est Rennes. Écoute ta web radio préférée, envoie tes messages vocaux en un clic. Et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien! Avec Voxem, donne ta réponse au jeu, participe au débat et lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux, où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studekweb. Et je disais, plus de représentants français en Ligue des Champions. Rennes, je parlais évidemment de la Ligue Europa qui arrive tout à l'heure à 21h. Est-ce que ça démontre pas le vrai niveau de la France, tout simplement? C'est terrible parce que j'ai l'impression d'avoir cette discussion chaque année, mais pas chaque année depuis l'ère Qatari hein, de non, Paris. J'ai l'impression que c'est chaque année depuis que je suis le football. La France est toujours à sa place au niveau des huitièmes de finale, ou presque, à quelques exceptions près, cette année-là ou X autre année. Simplement, c'est un problème, c'est un vrai problème. J'ai l'impression qu'on a ce complexe d'infériorité. On se dit que de toute façon, nous sommes les beaux perdants, nous sommes cette équipe qui peut constamment créer des surprises, mais qui de toute façon n'ira jamais au bout. De toute façon, là, tu vas entendre « Oui, mais Lyon s'est fait sortir par Barcelone ». Tu peux prendre plein d'exemples de plein de clubs comme ça qui te trouveront Paris, toujours... Paris, l'an dernier, par le Real, le futur... Oui, voilà, il y a une culture de la lose en France. Littéralement, une culture de la lose qui a été lancée depuis Saint-Etienne 76 et suivie de près par Séville 82. Je pense que ça a été les deux gros actes fondateurs de la France belle perdante, en fait. Et maintenant, c'est ancré et le pire, dans c'est, les c'est, mœurs c'est totalement. C'est sport, carrément. C'est dans les mœurs de l'ensemble du sport français. Mais totalement. Non, mais puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on n'a pas une Ligue 1 qui est si pourrie que ça. Alors, on la critique forcément parce que voilà, on est exigeant. Mais quand on regarde, il y a de plus en plus de clubs qui commencent à faire des trucs intéressants au niveau du jeu. Il y a des joueurs qui commencent à arriver, et pas seulement à Paris. On a Lyon qui a une très belle équipe, Marseille a une très belle équipe. Et même si on regarde au niveau des joueurs un peu moins cotés, Dijon, quand ils veulent jouer, ça produit du jeu très bon. On a Guingamp, même s'ils sont en difficulté. Mais Guingamp, c'est injuste qu'ils soient condamnés à jouer le maintien comme ça cette saison. On a des équipes comme ça, on a Monaco, même s'ils sont au fond du trou. On a une Ligue 1 qui commence à prendre de l'ampleur. Mais justement, dans ce que tu dis, Antoine, c'est que tu as des équipes qui jouent bien, mais qui n'ont pas l'assise défensive, ou du moins la culture tactique très bonne la culture tactique pour savoir défendre. Parce que justement, la culture de la gagne, entre guillemets, ils l'ont vu qu'ils veulent jouer. Ils jouent pour gagner. Mais résultat, ils perdent souvent parce que cette assise défensive, ils ne l'ont pas. Au contraire, les équipes qui ont une assise défensive n'ont aucune culture de la gagne. On n'arrive pas à voir ce mélange des deux, ce côté tactiquement, on est très bien placé, on respecte tout, mais en même temps, on t'apporte ce grain de folie parce qu'il le faut. Je pense que là, il y a un club qui en Europe a prouvé et qui a un petit peu galéré à faire les deux, c'est Liverpool. Liverpool s'était perdu dans un jeu défensif vraiment moche. Puis derrière, quand Jurgen Klopp est arrivé, c'était un jeu très fou. Mais par contre, défensivement, c'était pas ça du tout. Et cette saison, il a trouvé en fait l'accord quasiment parfait entre une assise défensive nickel et un grain de folie à amener lors des matchs. En France, quand on saura faire ça, je pense que ça nous aidera sur beaucoup de choses. Voilà, mais je pense que le football français est en progrès. Mais ça fait 2 ans qu'il est en progrès. Donc, il va falloir encore 3, 4, 5 années, le temps d'installer vraiment cette culture, comme on dit. Et ça passe par des coachs étrangers qui commencent à arriver de plus en plus. Et dans tous les clubs, pas seulement dans les gros, ça peut donner quelque chose. Maintenant, pour l'instant, effectivement, Lyon sorti par Barcelone, on l'a dit, c'est normal. Paris Manchester, c'est moins normal, mais on connaît l'exception parisienne. Voilà. Et si Rennes était sorti par Arsenal, on dirait bien joué Rennes. Totalement. Après, il y a autre chose aussi, je pense. Enfin, une dernière chose. On a beaucoup de talents français qui partent très vite. Hein. Oui, bah oui. C'est le problème. Quand tu vois en Angleterre, pareil, quasiment tous les meilleurs joueurs anglais jouent en Angleterre. Pareil en Espagne, en Allemagne. Voilà, même en Italie, tu as de plus en plus d'Italiens qui jouent en Italie, ce qui n'était plus le cas pendant un moment. Et là, en France, nous, souvent, on les perd ces joueurs-là. Ça ferait du bien d'avoir vraiment une majorité de très bons joueurs français. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, une info qui est passée. Aulas qui disait à propos de Ndombele qu'il aimerait ou qu'il pourrait négocier avec le PSG. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça, pour garder les talents en France. Ça serait une excellente recrue. Tout le monde y trouverait son compte. Ndombele, Lyon et Paris. Allez, Ligue 1. On va parler de Bayern-Liverpool. Tu parlais de Liverpool avec Jürgen Klopp notamment et l'assise défensive qui est devenue très offensive d'ailleurs. Très offensive, 3-1 face au Bayern après un match nul 0-0 à l'aller qui était horrible à voir. 3-1, Sergio Mané en grande forme. Est-ce que c'est vraiment une surprise Liverpool? Il va falloir arrêter de l'appeler Sergio un jour. Quand même. Je l'appelle Sergio. Tu l'as déjà appelé Sergio tout à l'heure dans le Max Sport et je t'ai rien dit. C'est vrai. J'ai été cool. Tu aurais dû me dire. Sadio Mané. Sadio Mané qui a mis un doublé. Sadio Mané, c'est l'homme en forme en ce moment du côté des Reds. Sadio Mané, je ne sais pas si vous avez vu son premier but. Ah, il m'a cassé un rein. Il m'a mis une balayette de chez moi. J'étais sur mon canapé, je suis tombé sur le sol. Il a cassé deux reins. Mais il est incroyable ce but. Mané, en ce moment, il porte Liverpool. Il porte en tout cas tout l'offensif de Liverpool. On parle beaucoup de Salah, mais je pense que le vrai facteur X de l'attaque de Liverpool, c'est Mané. En fait, c'est les trois, c'est l'alchimie entre les trois. Sauf que quand il y a deux qui sont moins en forme, il faut qu'il y en ait un qui porte. L'an dernier, c'était Salah quand Firmino et Mané ont eu un coup de moins bien. Exactement. Et là, en ce moment, c'est Sadio Mané. Parce que les trois, malheureusement, n'ont pas encore le coffre ni l'expérience pour être bons sur une saison complète. Sauf que la chance de Liverpool, c'est qu'en ce moment, cette saison, il y en a toujours un qui réussit à sortir du lot. Et là, en ce moment, c'est Sadio Mané qui est exceptionnel. Il est incroyable. Juste exceptionnel. Liverpool joue de toute façon de manière incroyable. Et pourtant, je ne les voyais vraiment pas favoris face au Bayern. Je pensais que Liverpool se contenterait du championnat. Enfin, se contenterait. Mettrait tout sur le championnat parce que ça fait bientôt 30 ans que Liverpool ne l'a pas gagné. Et là, quand j'ai vu le résumé du match en grand format, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et, ils n'ont même pas existé, le Bayern. Ah, Liverpool s'est amusé. Je pense qu'ils ont vu Manchester City revenir dans le rétro. Ils se sont dit, bon, peut-être qu'on essaye de faire quelque chose en Ligue des Champions. Mais ils auraient pu lâcher la Ligue des Champions pour justement se concentrer sur le championnat. Ah, mais à partir du moment où City commence à revenir, tu peux dire, bon, on dit, allez, on essaie quand même, quoi. Et on a eu un Bayern décevant aussi. Hein. Ah, le Bayern à ce niveau-là, est-ce que vous y attendiez? Non, en tout cas pas avec ce Bayern-là actuellement. Depuis le 24 novembre, je crois, c'est une seule défaite, le Bayern, toutes compétitions confondues. Ils reviennent en très grande forme, notamment en championnat, où ils ont retrouvé des... Mais c'est incroyable comment ils ont joué, je n'ai pas le mot. Mais on a peut-être l'explication, tu dis que Liverpool allait peut-être lâcher avec des champions pour le championnat, est-ce que le Bayern n'a pas tout simplement lâché avec des champions pour revenir en Bundesliga? Je pense que le Bayern s'en fout totalement du championnat par rapport à la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné une fois en 18 ans, je crois, alors que le championnat, ils le gagnent depuis 7 ans. Je pense que s'il y avait bien un objectif pour le Bayern, c'était plus la Ligue des Champions qu'autre chose. Mais on en revient au même débat depuis le début de la saison avec le Bayern. C'est une équipe vieillissante, c'est une équipe qui perd petit à petit son âme, et c'est une équipe qui aura besoin d'un énorme coup de lifting à l'instar du Real Madrid cet été. Je pense que l'an prochain, on va... Exactement, avec peut-être une colonie française, du coup. En tout cas, on disait qu'il n'y avait pas de club français en quart de Ligue des Champions. Il n'y a pas de club allemand non plus. Pas de club allemand, et ça, c'est rare. On fait une petite pause de 30 secondes et on va parler... tu parlais d'âme, Johan. L'âme, elle est chez la Juve. Avec Johan Bredov sur Studek Web. Et on est de retour dans les titulaires, toujours avec Johan Guiguet et Antoine Ballet. Johan qui est un petit peu cancre en ce moment, je trouve. On va parler de la Juve, Juve Atletico. Et la question est toute simple, est-ce que c'est pas la victoire du football, Antoine? Ah si, complètement. Et pourtant, dire ça provenant de la Juve, il y a 5-6 ans, c'était pas gagné. Mais c'est vrai que là, j'ai presque envie de dire une justice, même si ce n'est pas le mot qui est correct, parce que le football défensif de l'Atletico est beau à voir à sa manière. Mais au niveau du spectacle et au niveau des rebondissements, bon, je pense qu'on voulait... À partir du moment où le premier but a été marqué, on voulait tous que la Juve aille au bout. Non, mais... non, je vais être honnête, non. Non, j'avais mon petit favoritisme pour le Griezmann, FC Antoine Griezmann, pour l'Atlético Madrid. Mais non, pas spécialement. Par contre, on peut être qu'impressionné par un homme, par Cristiano Ronaldo. Mais oui, forcément. Auteur d'un triplé. C'est ça, il nous a mis une claque. Il vient d'avoir 34 ans, il est toujours en pleine forme. Au début de la saison, il te fait des tests d'aptitude physique ou autre. Ils lui ont déclaré qu'il avait le corps d'un jeune joueur de 22 ans, je crois. Tu te dis, mais il va s'arrêter quand? Il va s'arrêter où? T'as l'impression que c'est le Roger Federer du football, Cristiano Ronaldo. Tu te dis qu'il est inarrêtable. Et là, il a fait quelque chose qui se fait rarement ou souvent, tu te fais moquer. C'est-à-dire qu'il a posé ce qu'il a entre les jambes sur la table en disant, va y avoir une remontada. Préparez-vous, on va faire quelque chose. Depuis le début de la saison, il n'arrête pas de dire qu'il est venu à la Juve parce qu'il doit leur faire gagner la Ligue des Champions. Ils prennent 2-0 à l'aller, il te fait un match catastrophique. Pas pour tous les médias apparemment, mais en tout cas, il te fait un match catastrophique. Et au match retour, il t'annonce la couleur, ça va se passer, il le fait. Et à la fin, il nous fait une célébration à la Diego Simeone au match aller pour dire « c'est fait ». À partir de ce moment-là, même s'il y a des personnes qui disent que ce n'est pas classe ou autre, moi je trouve que c'est dans le folklore du football. Simeone l'a fait à l'aller, Ronaldo le fait au retour. C'est juste exceptionnel. J'avoue que c'était un peu de bonne guerre quand même pour oui, pour c'est Simeone. De bonne guerre. Ah, c'est le foot. Hein. Ouais, mais puis c'est vrai que là, je pense que s'il y avait un moment où tu dois faire cette célébration, c'est là. Comme tu l'as dit, il l'avait annoncé. C'est même pas match aller, ça c'est sûr. Bah oui, là ça va être un peu embêtant là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable Cristiano Ronaldo ce qu'il fait. Et puis, faut pas oublier tout le travail de la Juve derrière. Pjanic, il a fait un match monstrueux au milieu. Pjanic, il a bouffé à lui tout seul le milieu de l'Atlético. Pjanic aussi. Bernardeschi également. Mais Matuidi a fait un super match également. Mais Pjanic, depuis le début de la saison, on le trouvait vraiment très en dessous de son niveau habituel. Et là, d'un coup, il s'est réanimé mardi soir. Il a fait un match incroyable. Mais c'est après, est-ce que c'est pas l'Atlético aussi qui a complètement déjoué? On parlait de la solidité défensive totalement. Ça faisait 5 matchs sans but encaissé. Et là, ils ont complètement pris l'eau. Trop confiants, simplement. Je suis pas sûr, je pense qu'ils ont joué tout simplement le 2-0. Ils ont joué, on a fait 2-0 au match aller, on fait un 0-0 retour. L'équipe qui avait fait ça justement elle-même, c'était la Juve qui avait battu juste après la remontada du Barça contre Paris. Ils affrontent la Juve et prennent 3-0 en quart. Et au match retour, la Juve a joué le 0-0 et a obtenu le 0-0. Et je crois que l'Atlético a voulu prendre la Juve à peu près à ce jeu-là. Sauf que au bout de 2 minutes, il y avait déjà eu 2 occasions franches pour la Juve. À partir de ce moment-là, il faut changer. Tu as prévu cette tactique pendant sûrement 3 semaines ou autre, honnêtement, quand au bout de 2 minutes, tu as déjà encaissé 2 occasions énormes, qu'au bout de 5 minutes, il y a un but refusé qui était à la limite, et au bout d'un moment, tu dis « bah non, cette tactique-là va pas marcher, il faut pas changer de tactique, tu reviens juste à tes fondamentaux. Tu continues ta manière de jouer défensivement tout en ayant un petit peu plus de ballon, notamment pour Griezmann, de projection, et ne pas jouer à 11 derrière où Griezmann, des fois, c'est… Griezmann s'est retrouvé, mais des fois, je ne sais plus où. Et justement Griezou s'est exprimé et a dit qu'il regrettait de ne pas avoir assez touché le ballon et qu'il aurait dû faire mieux. Est-ce que ce n'est pas là la réaction de quelqu'un qui voulait vraiment gagner le match, mais finalement, peut-être que c'était tactique et que Simeone leur a dit « bah non, vous défendez ». Sûrement. Après, Griezmann a prolongé à l'Atlético alors que tout le monde le voyait aller au Barça. Tout le monde lui a dit, parce que l'Atlético, c'est une Liga gagnée et 2 Supercoupes d'Espagne et une Ligue Europa, je crois, donc c'est pas non plus. Enfin, ce sont des beaux trophées, mais il n'y a pas plusieurs Ligas, il n'y a pas la Coupe du Roi, il n'y a pas la Ligue des Champions, même s'il y a eu des finales et des demi. Griezmann, quand il reste à l'Atlético, il envoie un signe. Je peux gagner la Ligue des Champions avec l'Atlético. Mmh. Cette année, la finale était au Wanda Metropolitano, stade de l'Atlético. Donc Griezmann avait tout à prouver, à porter l'Atlético au bout, sauf que malheureusement, il y a un problème. Cette année, il est beaucoup trop seul. Donc, quand il ne fait pas un bon match, il n'y a plus personne à l'Atlético. Ah, l'ironie, quand même, c'est que Griezmann aurait pu aller à Manchester United ou à Barcelone. Deux clubs qui sont qualifiés pour le. C'est vrai. Non, mais pour revenir un petit peu. Pour revenir un petit peu à Griezmann. Merci, Yann. Pour revenir un petit peu à l'Atlético et au match, c'est ça. Le problème de Griezmann, c'est qu'il porte. Il doit porter, depuis le début de la saison, chaque fois que l'Atlético fait un gros match, c'est parce que Griezmann a porté l'Atlético. Et là, si on a bridé Griezmann au niveau tactique, forcément, ça ne pouvait pas marcher. C'était impossible. Et dans l'historique récent, on va dire, il y a très peu de clubs qui ont réussi à garder un résultat. Dans le football moderne, c'est devenu très compliqué de garder un résultat. Tu as dit la Juve, je pense que c'est le seul contre-exemple que j'ai. Là, à chaque fois, dans ma tête, que je vois un club qui a essayé de jouer le résultat, ça n'a pas marché. On peut penser à Paris, qui 2 fois de suite s'est fait remonter par Chelsea en essayant de jouer le résultat à l'aller. On peut penser à toutes ces équipes qui affrontent le PSG également en Ligue 1, qui décident de ne pas jouer du tout et qui prennent un 6-0 au final et où tu te dis mais ça ne sert à rien. Prends 6-0 en essayant de jouer. Parce qu'en ne jouant pas, t'as l'air deux fois plus de n'importe quoi. Bah, c'est ce qui s'est passé avec l'Atlético. Et il y a une équipe qui a joué, c'est Manchester City face à Schalke. 7-0 ils ont pas après joué, ils ont rigolé. Un match aller 3-2, et encore 3-2, ils étaient à 10 contre 11. Ils ont réussi quand même à gagner avec un Leroy Sané qui a mis un magnifique coup franc. Là, 7-0, est-ce que City est le favori de cette Ligue des Champions? Est-ce que c'est la plus belle équipe à avoir joué? Un des trois, gros. La plus belle équipe à avoir joué, oui, par contre. Avoir joué, oui, voilà, la plus impressionnante, oui. Par contre, je pense qu'il y en a trois que je ne peux pas dégager, en tout cas dissocier. C'est le Barça, City et la Juventus. En tout cas, s'ils ne s'affrontent pas en quart, on devrait retrouver ces trois clubs en demi, selon moi. Antoine, ouais, d'accord avec ça? Complètement d'accord. La City, ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Et je suis un peu déçu pour Schalke, qui pour moi aurait pu être l'équipe surprise, mais qui, comme l'an dernier, a réussi un match aller avant de s'effondrer complètement au retour. Parenthèse, une autre équipe impressionnante, ça a été l'Ajax. L'Ajax aussi. On fait une petite pause de 30 secondes et on reparle foot, évidemment. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Studec Web. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous demanderons de nous accorder votre attention. Merci de vous installer paisiblement dans vos sièges et de monter le son de votre radio. Pour passer un agréable voyage en notre compagnie, nous vous recommandons de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, Studec Web. En cas de dépressurisation des ondes, merci d'attraper votre ordinateur qui se trouve sous votre siège et suivez-nous en vidéo sur le site www.studioecoledefrance.com. Studec Web, il est 19h, c'est les titulaires évidemment. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studec Web. Et on parlait de Manchester City qui s'est qualifié donc face à Schalke. On va faire la liste des qualifiés. City, Liverpool. Tottenham, Manchester United, les quatre clubs anglais. On va en parler dans. on sent le dépit chez Antoine, c'est quand même. Ah, fou. Il est incroyable celui-là. C'est quand même fou. La Juve qui s'est qualifiée, Barcelone, le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam. Johan en a parlé. J'espère qu'on on aura l'occasion de parler de cette équipe qui est extrêmement belle à voir jouer. Quatre clubs anglais, les gars. Une première depuis 10 ans. Est-ce que c'est pas le retour en force de la première ligue à un niveau exceptionnel? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des équipes en quart de finale. Est-ce que c'est la meilleure nation d'Europe en termes de club? Pour l'instant, oui. Enfin, en tout cas, si on se fie aux résultats de la Ligue des Champions, c'est le cas. Petite stat en passant, c'est la première fois depuis 2009-2010 qu'il n'y a qu'un seul club espagnol en quart. C'est vrai, un seul club espagnol, c'est vrai que c'est. Et si le Barça n'était pas passé, il aurait fallu remonter à 2004 pour trouver la trace de quart de finale sans club espagnol. C'est aussi pour ça, c'est le déclin de l'Espagne qui a forcé, on va dire, le retour au premier plan de l'Angleterre. Bon, on sait que 4 clubs, quand tu as, je crois, 4 ou 5 qualifiés directement pour la Ligue des Champions, c'est fort. C'est très, très fort. Tout simplement. Johan, l'Angleterre à son niveau? Oui et non, il y a un club qui n'a pas sa place quand même parmi les quarts de finale. Et je ne dis pas ça par chauvinisme, mais Manchester United. Mais ils n'ont rien à faire même en Ligue des Champions. Manchester n'a pas sa place. Ce qu'ils ont montré pour sur les retours en quart de finale, malheureusement. Après, bon, si Paris perd comme ça, c'est que Paris ne l'a pas non plus finalement. Ah oui, bien sûr. Mais City est une équipe totalement impressionnante. Tottenham est une belle surprise. Tottenham est une vraie belle surprise cette 3, saison. 3-0 à l'aller face à Dortmund et 1-0 au retour. C'est un peu la 4-0 cumulé contre Dortmund. Dortmund est en train un peu de couler d'ailleurs en ce moment, mais fermons la parenthèse. Et le dernier club anglais, je ne l'ai plus. Liverpool, du coup, oui, évidemment. Et Liverpool, dont on attendait majoritairement une élimination et qui est là. En fait, Liverpool, City et Tottenham. les trois ont une légitimité à être là en demi-finale, s'ils ne s'affrontent pas également. C'est ça que je disais. Manchester United, ça serait... dantesque. Après, ça dépend de la manière dont ils vont jouer. À moins qu'ils aient un tirage au sort plutôt favorable. Et de la manière dont ils vont jouer aussi, parce qu'on le sait, Manchester United, ils sont capables. Non, arrêtons avec la manière dont ils vont jouer. Même depuis le retour de Solskjaer, ça va mieux dans les têtes, mais ça va pas... Faut arrêter, Manchester ne joue pas incroyablement bien. Manchester est porté par Paul Pogba. Au niveau du jeu, Manchester ne propose pas grand-chose depuis le départ de Ferguson, il faut le dire quand même. Et avec tout le respect que j'ai pour ce club, c'est un club mythique, c'est un club qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Dans les années 2000, Manchester, c'était incroyable. Mais honnêtement, actuellement, Manchester ne propose rien. On n'est pas dégoûté que parce que Paris a été éliminé, on est dégoûté parce que Paris n'a pas perdu cette fois contre le Barça qui a fait un match exceptionnel. Paris a perdu contre une équipe qui n'a pas joué, Paris a donné, qui a 5 tirs. Ces 5 tirs ont amené les buts. C'est au bout d'un moment... ce n'est pas possible de se faire éliminer comme ça. Et Manchester, en termes de jeu, ne propose rien depuis plusieurs saisons. C'est le problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que Manchester s'écroule petit à petit au classement également et se retrouve à jouer les quatrièmes places ou autres, alors que pendant longtemps, on les a vus jouer le titre. Mais voilà. Non, mais c'est sûr que Manchester United, c'est peut-être l'équipe qui a la, enfin, c'est l'équipe qui a la moins sa place dans ses quarts de finale pardon, de Ligue des Champions. Maintenant, ils sont là. Il faudra voir comment ça se passe. Qu'on le veuille ou non, il faudra compter avec eux. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer en Ligue des Champions sur un sursaut de mental, sur n'importe quoi. Le déclic, peut-être que cette qualification dans la douleur face à Paris, ça peut être un déclic aussi. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que oui, la Première Ligue est en train de poster ses écuries et qu'on ne sait pas si ça va être durable. Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Parce que autant Manchester City, il y a un vrai socle, il y a une vraie base. Ça fait plusieurs saisons qu'ils sont à ce niveau-là, ça fait même deux saisons. Liverpool, il y a c'est des petites zones de turbulence de temps en temps. Finaliste l'année dernière quand même. Voilà. Il y a eu le début de Tottenham, c'était un peu la déception l'an dernier. Et là, ils sont en train de revenir très fort cette année. Donc oui, pourquoi pas. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Un socle un petit peu fragile quand même à Manchester City, qui n'a atteint qu'une seule fois les demi-finales hein, depuis l'arrivée des. Ouais, mais ça fait deux saisons. Ouais, il y a du gros. Il y a du gros, mais cela n'empêche qu'il y a toujours quand même ce côté un petit peu fragile où Manchester City vit un petit peu la même chose que le PSG. C'est que quand on dit qu'une fois ils vont aller au bout, souvent ça ne dépasse pas l'écart. Et Manchester City, ça fait un peu plus de 10 ans, je crois, que le club a été racheté. 2009, il me semble. Ça fait 10 ans. Donc voilà, City, il y a ce socle solide, mais il y a quand même ce côté. Il y a quand même ce côté interrogation. Voilà. L'expérience, elle est pour Liverpool. C'est ça. Totalement. Maintenant, Liverpool. Mais dans les quatre qui sont qualifiés, est-ce que vous voyez vraiment quatre potentiels vainqueurs? Non. Pour moi, il n'y a que City. Il y a deux potentiels vainqueurs. City et Liverpool, pour moi. Pour moi, il n'y a que City et une belle surprise éventuellement du côté de Tottenham ou Liverpool. Tottenham, ça peut le faire. Tottenham, je ne suis pas sûr. Mais en plus, je pense qu'il y a un moment où la marge va peut-être être un peu haute pour Tottenham. Faudra voir. En tout cas, c'est assez ouvert. Hein. Tottenham, enfin Ajax, il joue extrêmement bien. Mais il n'y a pas des gros favoris. Enfin, forcément Barcelone, Juve et City. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un quart de finale 100% anglais. Peu importe lequel, même avec Manchester United. L'année dernière, il y avait eu Liverpool-City, c'était exceptionnel. Mm-hmm. Je pense à ce Liverpool-Chelsea qu'il y avait eu il y a 10 ans, il y avait eu 4-4 au match retour. Chelsea avait gagné 3-1 à Liverpool et au match retour il y avait eu 4-4, Liverpool menait 2-0, puis Chelsea 3-2, puis Liverpool 4-3, puis score final 4-4. Souvent les quarts de finale de Ligue des Champions entre clubs anglais, c'est un spectacle incroyable. Je pense que City Tottenham, ça pourrait être bien sympa. Ça serait un spectacle incroyable également. Franchement, je veux voir une affiche 100% anglaise ou 100% française. anglaise, française, la transition est toute trouvée. Et si on faisait un 8e de finale entre Arsenal et Rennes? Ça a lieu à 21h. Arsenal-Rennes qui s'est imposé 3 buts à 1 au match aller, qui a mangé littéralement les Gunners. Rennes était à un niveau, je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais je ne m'y attendais pas à ce niveau. Vraiment très très fort. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le coup à l'Emirates, Antoine? Là, c'est la question. Okay. C'est la question un peu piège, parce que, comme tu as dit, Johan, Rennes, on ne les attendait pas à ce niveau. Ils font pas montre de ce niveau régulièrement en championnat, même si ça joue. Rennes, il y a eu des gros progrès sur le plan du jeu depuis le début de saison. Ça joue très bien. Ben Arfa a fait beaucoup de bien. Clément Grenier fait du bien aussi. Et il y a des joueurs aussi qui sont révélés. Je pense à Bourigeaud aussi qui fait un. Benjamin André. Enfin, tous ces joueurs-là, il y a un bon socle à Rennes, il y a un socle intéressant. Maintenant, on parlait d'expérience européenne pour Manchester City. Là, Rennes, c'est x10. Rennes, c'est l'expérience de la lose puissance 1000. Rennes sont capables d'aller en finale et de perdre contre l'adversaire le plus abordable qui soit. Sauf que il y a l'obstacle Arsenal, et je pense qu'Arsenal était vexé aussi de perdre contre Rennes, parce que là, Arsenal a été un peu la risée de l'Angleterre, là, pour le coup. Autant Paris a été la risée de la France, autant Arsenal a été la risée de l'Angleterre en perdant contre Rennes. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, d'autant qu'il y a le retour de la Lacazette. Je parlais de Benjamin André, il s'exprimait justement. C'est des soirées qui sont historiques pour les joueurs, pour l'équipe, pour le club, pour les supporters aussi. Donc forcément, ça crée quelque chose, ça crée des liens. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ça pour continuer l'histoire et avoir l'envie de toujours voir plus loin, évidemment. Ils vont voir plus loin, Johan ? Ils vont écrire l'histoire ou pas ? Ça dépend. Ça dépend, c'est à voir. Alors à chaque fois que j'ai dit que... Ça dépend des Gunners ? Arsenal peut largement gagner 2-0 contre Rennes, là n'est pas le souci. Maintenant, faut pas oublier qu'il y a quelque chose quand même à dire, c'est l'expulsion de Mustafi, je crois, au match aller. C'est Mustafi. Voilà, faut pas oublier, ça a changé énormément de choses. Rennes n'était pas non plus incroyable jusqu'à l'expulsion de Mustafi. C'est peut-être Socratis aussi. Je crois que c'est Socratis. Jusqu'à cette expulsion, c'était quand même pas exceptionnel non plus. Enfin, en tout cas, le niveau de Rennes n'était pas incroyable. Mais non seulement il y a eu cette expulsion, et en plus derrière, il y a ce but fantastique de Bourigeaud. Et là, je pense que tu te retrouves à 11 contre 10, à domicile, tu es mené 1-0, c'est juste avant la mi-temps, et tu as un joueur qui te met un but pavarien, et bah, y a un moment où tu te dis quand même que tu peux faire quelque chose. Rennes me fait un petit peu penser à il y a plusieurs saisons, vous allez sûrement vous en souvenir, de Guingamp, qui avait un très beau parcours en Ligue Europa, personne s'y attendait. Et Guingamp affrontait le Dynamo de Kiev, qui était mille fois supérieur à Guingamp. Et Guingamp s'est retrouvé à 11 contre 10 et a égalisé 1-1, ils étaient menés 1-0. Puis à 11 contre 9, et ont mis ce deuxième but, on aurait pu en mettre vraiment un troisième facile. Et finalement, au match retour, ils perdent 3-1. Ils ne sont pas ridicules, mais ils perdent 3-1. Attention à ce que les vents ne tournent pas comme ça pour Rennes. Maintenant, on va être honnête, on y croit tous un petit peu. On a tous envie de... La dernière représentante française, c'est ça. Rennes qui élimine Arsenal, même, ça serait beau pour leur histoire. Ça serait beau. Alors, il y aura toujours les phrases, palmarès de Rennes, on a éliminé Arsenal. Mais en dehors de ça, ça reste quand même un fantastique exploit. La Ligue Europa, c'est une compétition qui propice à ce genre d'exploit. Tu parlais de Guingamp, Yohan, la dernière fois. On a eu Marseille la saison dernière qui fait un match fantastique contre Leipzig, alors qu'on ne les attendait pas du tout là. C'est ça. Après, bon, ils s'effondrent contre l'Atletico. Mais c'est ça. On a Saint-Etienne qui gagne sa première place en étant mené 2-0, puis en gagnant 3-2 à Anderlecht et qui affronte Manchester United. Je pense que les clubs français et le football français en général devraient arrêter de galvauder cette coupe, même au lieu de s'en foutre, carrément de la dénigrer. De dire ouais, c'est juste la petite Coupe d'Europe, on s'en fout. Mais vous verrez, en tant que supporter de Paris, j'aurais été très heureux qu'on gagne déjà une Ligue Europa en 2012 au lieu de la balancer contre Salzbourg. Totalement, mais vous verrez que si jamais Guingamp reste en Ligue 1, bien sûr, que ce soit Guingamp ou Strasbourg, la saison prochaine, ils vont la jouer à fond, cette compétition. Sauf si Guingamp descend en Ligue 2, évidemment, mais ils vont la jouer à fond, cette compétition Guingamp ou Strasbourg. Quelques scores là qui sont en train de tomber parce qu'il y a des premiers matchs à 19h et notamment un Dynamo Kiev-Chelsea. Il y a eu un but d'Olivier Giroud. Giroud a marqué. C'est sa compétition. On va en parler après. C'est sa compétition. Je crois que c'est son 8e but en Ligue Europa. On va en parler de façon de Giroud dans la liste de Deschamps. On fait une petite pause de 30 secondes et on revient pour parler notamment d'un choc, un classico qui arrive dimanche soir. Retrouvez le meilleur laboratoire radiophonique de France. Viens manier des éprouvettes d'humour, des potions de folie et mélange-les à ta personnalité. Le studio École de France est un vrai labo radio où sont formés des animateurs et animatrices. Des techniciens. Mais aussi des journalistes. Alors si tu aimes l'actualité et que tu veux la décrypter, rejoins-nous. Studio École de France, 145 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux. 01 46 20 31 31. Et toi, repose cette fiole de blagues lourdes. Oh, mais j'ai jamais le droit aussi. Les titulaires avec Johan Bredov sur StudéQueb. Et les titulaires, ça continue, il est 19h11. Il y a un supporter qui est entré sur le terrain. Il y a un supporter, Corentin Magnier, que vous pouvez l'entendre toute la journée. Allez les Verts. Allez les Verts, merci Corentin. Voilà, un peu d'objectivité. T'inquiète. Exactement, oui. T'inquiète. Corentin, un pronostic pour le Classico, tiens, justement, pendant que t'es là. Pour le PSG, du coup, on est d'accord. Exactement. Un pronostic, moi, je vais pas trop mouiller, je vais dire sur le PSG. Je m'en fous de ce match, clairement. C'est plus un Classico. Est-ce qu'on est encore sur un Classico? C'est une bonne question. Quand on voit Lille deuxième. C'est une bonne question, il fait mon boulot. Je vais pas dire une connerie, mais Marseille qui est quatrième, qui n'est même pas sur le podium. Un Classico, pour moi, c'est le match qui va se jouer le premier ou le deuxième, quoi. Donc est-ce que c'est vraiment encore un gros choc? On peut parler encore de Classico. Exactement. Voilà. Avec Boudin Sarr. Pour moi, oui. Est-ce que tu peux au moins nous donner un pronostic pour Guingamp-Dijon, s'il te plaît? Pour Guingamp-Dijon, victoire Guingamp-Pes. Un truc hallucinant. Il y aura 4-2 pour Guingamp. Antoine, donc un choc encore PSG-OM ou pas? Oui, malgré tout, oui. Même si au niveau. Alors, c'est pas les PSG-OM des années 2000 où il y avait vraiment de l'électricité dans l'air, mais jusque sur le terrain. Mais ça reste un gros choc. Et je pense que là, Paris a obligation de se racheter. Les joueurs de Paris ont obligation de se racheter. Même si ça ne suffira pas. On le sait, ça ne suffira pas. Ils peuvent exploser Marseille 10-0, ça ne suffira pas. Les supporters parisiens, d'ailleurs, ont déjà prévu de faire une grève des encouragements sur ce match. Ils ont jeté le tifo qu'ils prévoyaient de déployer en tribune d'Auteuil après l'élimination à Manchester. Mais le PSG sait que le seul moyen de se racheter aux yeux de certains, c'est d'exploser complètement l'OM. Et je pense qu'on n'aura pas du tout le même PSG qu'à l'aller. C'est pas un match pour se racheter, t'es d'accord avec ça, Yoann? Se racheter, non. Mais je pense que c'est un match qui peut empirer les choses si Paris ne le gagne pas, en fait. C'est-à-dire que si Paris gagne, on va pas tenir en compte cette victoire. On se souviendra de cette grosse bévue contre Manchester United. En revanche, si Paris perd, on leur dira « Ouais, vous aviez l'occasion de vous racheter et vous ne l'avez pas fait. » Maintenant, juste pour réagir, est-ce que c'est encore un grand classico? Ce sont les supporters qui permettent à ce classico d'être un classico, en fait. Les joueurs maintenant... Ben non, parce que mine de rien, à Marseille, il y a quand même encore forcément, étant donné que Marseille est devenu un petit peu le petit des deux, et ben non, Marseille s'en fout pas, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. Marseille s'en fout pas, les joueurs ne s'en foutent pas, c'est pas vrai. Les joueurs veulent le gagner, ce classico, pour eux, pour ça eux, se voit c'est dans venu. L'intensité qu'ils mettent. Marseille, actuellement, là, dans les années 2010, me fait exactement penser à Saint-Etienne dans les années 2000, quand Lyon gagnait tout le temps. Il y a un moment où t'es devenu le petit du derby, ou le petit du classico, et ben dans ce cas-là, il y a un moment où tu veux aller la rechercher, victoire. Mais il y a plus cette tension entre les joueurs qu'il y avait avant. Avant, les joueurs, je peux dire qu'à la fin du match, ils échangeaient pas les maillots. Ils échangeaient des coups, Non, c'est une évidence. Mais là, le problème, c'est que si le joueur en face de toi se met à s'en foutre, tout simplement, de l'enjeu, parce qu'il y en a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs parisiens qui s'en foutent un peu de cet enjeu. Il y en a beaucoup. Je dis pas que tous, mais il y en a beaucoup. Je pense que tu ne peux pas donner cet effet classico, si ces joueurs parisiens l'avaient connu dans les années 2000, je pense qu'ils seraient beaucoup plus impliqués encore. Mais les supporters permettent à ce classico de survivre et c'est important de le souligner parce que franchement, les ultra-marseillais et les ultra-parisiens conservent totalement cette, on va pas dire cette haine, cette rivalité. Ouais. Mais cette rivalité où parfois on se dit que c'est de la haine, parfois on se dit que c'est un faux amour, parfois on se dit que c'est tout simplement une passion trop débordante. Grâce à ces supporters, et ben le classico, c'est encore quelque chose. Malheureusement, le classico qui se fera encore sans supporters, enfin malheureusement, on ne peut pas le dire, mais qui se fera sans supporters marseillais. Un match de Ligue 1 sans supporters à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez vu la justification de l'arrêté préfectoral. Marseille s'est fait éliminer ? Paris s'est fait éliminer. Ils ont dit... Oui, pardon, texto. Paris s'est fait... C'est écrit texto dans l'arrêté préfectoral que suite à l'élimination du PSG en Ligue des Champions, il y a un trop gros risque de moquerie des supporters marseillais qui pourrait provoquer la colère des ultra-parisiens et que du coup, à cause de ça, bien sûr, c'est seulement à cause de ça, on le sait, il n'y aura pas de supporters marseillais. C'est quand même incroyable. Ah, ils vont chercher loin quand même. Ils vont chercher loin. Il y en a plein pour chaque match. Maintenant, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, dans les raisons, c'est... Les autres matchs de Ligue 1, il y a Nice-Toulouse et Lille-Monaco, c'est demain. Caen-Saint-Etienne, Nîmes-Strasbourg, Angers-Amiens, Guingamp-Dijon. Gros choc, l'a dit Corentin. 4-2 pour Guingamp, on a noté. On leur tient ce 4-2 pour Guingamp. Et dimanche, Lyon-Montpellier, Reims-Nantes, Bordeaux-Rennes et évidemment PSG-Marseille. On va parler d'un vrai derby. J'allais dire un autre derby, mais non, parce que PSG-Marseille n'est pas un derby. Mais un vrai derby milanais, l'Inter Milan face au Milan AC. Et voilà, c'est un match très intéressant. Il y a 20 ans, c'était peut-être le match de l'année en Europe. Il y a 10 ans même. Un peu plus quand même. Ah, il y a 10 ans quand même. Les deux équipes étaient en Ligue des Champions. L'Inter gagne la Ligue des Champions en 2010 ou 2011, je crois. Oui, voilà, mais le Milan AC était déjà en déclin. En 2007, je pense que c'était le. Voilà, exactement. Parce qu'il y avait quelqu'un encore à 2006, 2007. Au Milan AC. Enfin, c'était. C'était peut-être. En 2010, c'était encore un grand match. C'était peut-être. Ouais, mais au milieu des années 2000, c'était le plus gros match européen. C'est pas ça le débat. Mais maintenant, il n'intéresse plus grand monde. Est-ce qu'il t'intéresse même la Serie A, ce derby-là, mais la Serie A aussi en général, Antoine? Moi, j'avoue que j'ai du mal avec le football italien, mais depuis longtemps, hein, pas seulement récemment. Mais c'est vrai que quand on entend Inter Milan, Milan AC, ça fait quand même un truc. Parce qu'il y a quand même cette histoire de rivalité entre les deux, et je crois que c'est cette histoire de derby, c'est le derby peut-être le plus vrai, puisque c'est deux équipes qui partagent le même stade, carrément. En plus, ouais. Je pense que c'est le derby au sens le plus pur du terme, San Siro, ou Giuseppe Meazza, en fonction de l'équipe qui l'occupe le week-end. Je trouve ça absolument incroyable, et pour moi, ça fait le vrai charme de ce match. C'est que, là, pour le coup, tu ne pourras pas dire qu'il n'y aura pas de supporters de l'Inter ou il n'y aura pas de supporters du Milan AC, c'est leur stade. Les deux sont à domicile. Ça fait toujours une ambiance un peu électrique. Après, sur le terrain, c'est vrai que il y a peut-être un petit peu moins d'intérêt que dans, on en parlait, de ces années 2007 où il y avait des stars énormes sur la pelouse des deux côtés. On se souvient de Milito d'un côté et Kaka de l'autre. Tu savais qu'il allait se passer quelque chose. Là, c'est peut-être un petit peu moins fort, mais quand même, quand tu vois des joueurs, notamment à l'Inter, tu as des joueurs de spectacle. Milan qui essaye de se construire une identité un peu plus forte. ça peut être intéressant, mais c'est sûr que c'est pas pareil. Donc le derby t'intéresse, et même la Serie A en général, hein. De manière générale, moyennement. Faut être honnête, au bout d'un moment, vraiment moyennement. Le truc, c'est qu'on peut rebondir sur ce qu'a dit Corentin tout à l'heure sur le Classico, en disant qu'un Classico, c'est quand ce sont les deux premiers, dans les années 2000, et ben, ils étaient toujours dans les trois premiers. Souvent, c'était soit la Juve venait s'intercaler, soit la Juve était devant, soit la Juve était derrière, mais c'était au pire le premier contre le troisième. Avec des équipes de folie. Donc à partir de ce moment-là, tu perds un petit peu en valeur. Maintenant, si on parle du football italien, le football italien dans les années 80 était le meilleur football. C'est peut-être même une des plus belles décennies de l'histoire du football. Le championnat italien dans les années 80, c'était un championnat incroyable. L'Italie court après un second souffle depuis une vingtaine d'années. Hein. On peut dire depuis. En tout cas, depuis même dans les années 2000, il courait après un nouveau souffle, et notamment sur quelque chose qui n'est pas négligeable, les stades de manière générale. Beaucoup de stades sont vétustes. Beaucoup de stades ne sont plus remplis, beaucoup de stades ont une architecture vraiment très ancienne avec beaucoup de tribunes très éloignées du terrain. On peut voir d'ailleurs le choix de la Juventus d'avoir fait un stade plus petit, d'avoir construit un stade nettement plus petit qui est passé de 70 000 à 41 000, mais qui est tout proche du terrain et qui a retrouvé une ambiance fantastique. Et l'Italie se bat quasiment tous les deux ans pour avoir une Coupe du Monde ou un Euro et n'y arrive pas. Je pense que quand l'Italie réussira à avoir une grande compétition internationale de football, soit l'Euro, soit la Coupe du Monde, la passion du football en Italie n'est pas la même qu'en France, elle est beaucoup plus forte. Donc à partir de ce moment-là, je pense que de nouvelles enceintes, beaucoup plus modernes, avec du coup un retour du spectacle, forcément parce que ça engrangera sûrement plus de revenus. Ça peut couler également, mais en tout cas, si tu suis bien la démarche, ça engrangera plus de revenus, ça entraînera de nouveaux joueurs. Mais d'ailleurs, on parle de la possible démolition de San Siro. On parlait de San Siro, mais San Siro devrait être démoli à peu près comme a fait Tottenham. La nouvelle enceinte devrait rester à peu près au même endroit. Il continuera légèrement à se partager l'enceinte. Mais il devrait continuer à se partager l'enceinte en tout cas. Le problème, c'est que l'Inter a accepté, je crois, mais que Milan n'a toujours pas dit oui. C'est quoi le véritable niveau de la Serie A? C'est compliqué à dire. Est-ce que c'est toujours le troisième championnat européen ou est-ce que c'est celui d'Allemagne? C'est dur à dire français. Parce que en fait, le problème qu'on a, c'est qu'en Serie A, Bundesliga et Ligue 1, il y a un peu le même problème d'une équipe qui écrase tout. Même si c'est moins le cas pour la Serie A ces dernières années, La Juve écrase tout. Bayern et Paris. C'était moins le cas l'an dernier. Le Bayern est un petit peu plus en difficulté cette saison, mais au final, on sait que c'est la Juve et le Bayern qui vont gagner. On est quasiment certain. Et je pense qu'il y a ce problème-là. Et du coup, c'est difficile de juger un championnat quand tu as un mastodonte qui écrase tout parce que les autres équipes n'ont aucune chance. C'est ça. Y a très peu. Et en fait, on regarde les autres équipes, pour être tout à fait honnête, sauf les vrais passionnés, on ne regarde les autres équipes que quand elles jouent contre la Juve, quand elles jouent contre le Bayern, quand elles jouent contre Paris en France. Personne, sauf être passionné de Serie A, ne va regarder un match entre Palerme et Crotone. Et bien, pourtant, c'est là que se cache le vrai niveau des championnats. C'est le vrai niveau de la Ligue 1, c'est sur le Guingamp-Dijon dont on entend parler. Et du coup, c'est difficile à juger sans être vraiment spécialiste de championnat. Ça difficile à juger, oui, mais d'un autre côté, tu as quand même la Ligue des Champions qui est une belle vitrine pour montrer les meilleurs clubs de chaque pays qui s'affrontent. Voilà, et là-dessus, il y a quelque chose, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, en Espagne, tu as trois clubs qui sont en train de tout déchirer. On peut même rajouter le FC Séville en Ligue Europa qui a été énorme. Et en Angleterre, tu as je ne sais combien de clubs, tu as un top 10 fantastique quasiment en Angleterre. Le problème, c'est que quand tu as un seul club qui porte tout le monde, ça aide pas au développement du championnat en lui-même. Par contre, ce qui est positif là, j'ai le classement, c'est qu'on a retrouvé les cinq gros dans les cinq premiers. Hein. La Juve première avec 18 points d'avance sur Naples, et ensuite c'est l'AC Milan, l'Inter Milan et l'AS Rome. Avec moins, 18 points d'avance sur Naples, mine de rien. 18 points d'avance sur Naples. C'est ce que tu dis, on va rester là-dessus, mine de rien. On va faire une petite pause, 30 secondes de pause, et on parle de la liste de Didier Deschamps. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. Avec Johan Bredov sur Studek Web. Et non, c'est pas le journal, Gwendal, c'est les titulaires, évidemment. On en est là, il est 19h23 et on va parler de la liste de Didier Deschamps avec quelques surprises, notamment Levin Kurzawa. Il faut que je retrouve la liste. Dans les cages, de toute façon, ça n'a pas changé. Hein. Dans les cages, c'est toujours Lloris, Mandanda et Alphonse Areola. Par contre, en défense, là, ça a changé avec Levin Kurzawa qui remplace Ferland Mendy. Est-ce que c'est une petite surprise pour vous, Kurzawa, à appeler ? Oui. Oui. Honnêtement, oui. Oui, parce que Kurzawa... Alors, je vais pas... On n'est pas d'accord, je sais, on a discuté un peu hors antenne avec eux. On n'est pas spécialement d'accord sur le niveau de Kurzawa. C'est vrai qu'il y a du mieux depuis son retour, mais le problème, c'est qu'il est revenu il n'y a pas longtemps et que pour un match international, te présenter avec Lucas Digne et Levin Kurzawa, moi, j'ai du mal. Bon, c'est alors la Moldavie. Hein. Alors qu'il y a quand même, Kenny Lala qui patiente depuis un peu. Il joue à droite. Il joue des deux côtés, Kenny Lala. Il peut jouer des deux côtés. Il est meilleur à droite. Mais moi, dans le cadre actuel, je préférais Kenny Lala même à gauche que Lucas Digne et Levin Kurzawa. Après, je vais quand même rebondir sur ce qu'a dit Antoine parce que je voulais le placer également. Mais par contre, ce n'est pas le même poste. Mais quand je vois qu'un Djibril Sidibé est sélectionné à la place d'un Kenny Lala, voilà, c'est là. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est ce que en je voulais fait. Dire, bien sûr. D'ailleurs, ce qui me gêne même, c'est que, alors je ne sais pas s'il a reçu sa préconvocation, mais il me semble que Léo Dubois l'a reçu. Et Léo Dubois, d'ailleurs, les médias en ont parlé comme possiblement en équipe de France après qu'il ait enchaîné, on va dire, un bon mois de compétition. Et je me dis, mais c'est quand même dingue, t'as juste un latéral droit qui en est à 5 buts et 8 passes décisives. Ça fait 3-4 saisons. Ça fait 3-4 saisons qu'il est bon, on en parlait déjà comme d'un talent de base. Il est suivi par plusieurs grands clubs actuellement. Et à côté de ça, t'as Léo Dubois qui est à Lyon, qui fait un bon mois. Faut être honnête. Ouais, il fait un bon mois et c'est quelqu'un qui peut potentiellement, à plus long terme, viser l'équipe de France. Mais sincèrement, pour moi, là-dessus, il n'y a même pas débat. Et je crois que d'ailleurs, de manière générale, pour le public français, il n'y a pas de débat. Kenny Lala mérite au moins d'être convoqué. Ouais, ouais. Après, on va pas faire le débat sur ça. C'est quelque chose, voilà, voir Kurzawa sélectionné et pas Kenny Lala à droite, c'est dommage. Et dans le reste des défenseurs, donc on a Lucas Digne, Levin Kurzawa arrière gauche, Kimpembe qui est là, Pavard, Sidibé, Umtiti, Varane et Kurt Zouma. Chez le milieu, là, il y a une petite surprise. Petite parenthèse quand même, c'est super pour Kurt Zouma qui réalise vraiment une très bonne saison et qui pourrait potentiellement. Enfin retrouver le niveau qu'il est censé avoir. Et c'est moins super pour Clément Lenglet et Aymeric Laporte. Exactement. N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Tanguy Ndombele, Paul Pogba et Moussa Sissoko. Mais y a rien à dire. C'est un mur. Il n'y a rien à dire. Autant Sissoko, j'ai beaucoup critiqué sa sélection pour l'Euro 2016, alors qu'il sortait d'une saison très moyenne, qu'il venait d'être relégué avec Newcastle. Autant là, il n'y a absolument rien à dire. Il revient très très fort avec Tottenham. Il peut servir dans un poste du box-to-box, quoi, du brise-glace, le mec qui rentre dans le tas et qui aurait derrière lui, qui s'entre en retrait. Ouais, ce milieu, il est incroyable. Et avec Tottenham, il est extrêmement fort. Le milieu, tu le dis, c'est un des meilleurs milieux du monde dans les sélections, nationales. C'est le meilleur pour moi. C'est peut-être le meilleur. Pour moi, il n'est pas meilleur. Et en attaque, est-ce qu'on a les meilleurs? Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, forcément, Tony Martial, Mbappé et Florian Thauvin. Coman et Martial, comment qui remplace notamment Ousmane Dembélé qui s'est blessé hier face à Lyon. Là, pas de surprise? Non, pas de surprise, mais déception pour Ben Yedder. Déception, bah. Ben Yedder, la casette aussi. La casette, également, mais Ben Yedder, vraiment une grosse déception. Je pense sincèrement que je trouve ça dommage. C'est des matchs Deschamps, pour le coup, nous l'a prouvé en gagnant la Coupe du Monde. Mais là-dessus, je trouve ça juste dommage que. Quand tu as des performances constantes, ce qui est assez rare dans le foot d'aujourd'hui, des performances aussi constantes depuis 7-8 ans, que c'est tu incroyable. Franchis les paliers et qu'à chaque fois que tu les franchis, tout va bien. Je crois que ça fait une dizaine de saisons qu'il a plus de 10 buts. Il réalise des saisons de dingue. Actuellement, il réalise peut-être la meilleure saison de sa carrière. Et malgré cela, le simple fait qu'Olivier Giroud, par exemple, fasse des bons matchs en Ligue Europa, ça suffit à lui passer devant. Alors c'est peut-être le profil, non ? Pour le profil de Giroud. Je suis d'accord, mais là-dessus, là, quand même, je trouve qu'il y a quand même un côté où Deschamps s'assure également. Je pense que même si Giroud, de manière générale, ne jouait pas vraiment ou autre, je vais même te dire, je pense que si Giroud n'était pas sélectionné, ça serait Lacazette qui serait sélectionné. Deschamps préfère les habituer. Et puis on l'a même dit, c'est des matchs contre la Moldavie et l'Irlande. Si sur ces matchs-là, tu ne sélectionnes pas un Ben Yedder, quand est-ce que tu le sélectionnes ? C'est ça, est-ce que Deschamps ne prend trop peu de risques ? Mais bien sûr. Bien sûr qu'il prend peu de risques. Il devrait peut-être prendre un peu de risques. Le problème, c'est que ça marche. Il veut garder son ossature Coupe du Monde, ça marche. Ce qui est compréhensible. Mais il y a un moment, il faut dire stop. Ça marche. Le seul problème, c'est que Deschamps, en faisant cette tactique, peut très bien gagner l'Euro et derrière regagner une Coupe du Monde. Incroyable. Sauf qu'il y a un moment où il y aura une nouvelle génération qui va pousser. Et que quand tu as le même groupe pendant 3-4 ans, qui ne change quasiment jamais, à une ou deux exceptions près, et que d'un coup, tu as 4-5 nouveaux qui débarquent. C'est ce qui s'était passé souvent, en 2002. Problème avec la nouvelle génération. En 2002, c'est ce qui se passe avec l'Espagne, c'est ce qui se passe avec l'Allemagne, c'est ce qui se passe avec tous les changements de génération. Bizarrement. Et donc, les matchs qui auront lieu le 22 et 25 mars contre la Moldavie et l'Islande. J'aimerais finir par un petit mot de cyclisme avec notamment le Paris-Nice, Simon Yates qui s'est imposé au contre-la-montre. Mais sur Tirreno-Adriatico, c'est un Français, Julien Alaphilippe, et Gwendal, qui s'y connaît très bien d'ailleurs. Est-ce que Julien Alaphilippe peut viser mieux et est-ce qu'il sera en forme pour les classiques en avril ? Mais en forme pour les classiques, il est déjà en forme. Il a quand même gagné un Tour de Grande-Bretagne en 2018, leader du classement de la montagne, du meilleur grimpeur pour le Tour de France en 2018, deux étapes pour le Tour de France en 2018 également, et un Tour d'Espagne. Bon, le gars, excusez-moi, mais il est très, très clairement très, très chaud en ce moment. Bah, il est en pleine forme, il l'a même annoncé. Je ne sais pas si on peut l'écouter à la Philippe. Allez, on l'écoute. Ça me tenait à cœur d'être en très grande forme pour commencer l'année de la meilleure des manières, mais d'enchaîner les victoires comme ça sur les plus grandes courses, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'en ai rien à foutre, je peux profiter. J'ai travaillé dur et je suis content de faire ce que je fais là en ce moment. Bon, apparemment, ça le fatigue, de gagner. Ouais, apparemment, ça fatigue. Ouais, il a réglé un petit groupe au sprint. Ouais, Alaphilippe, qui est certainement le meilleur coureur français et un des meilleurs coureurs du monde, notamment pour les classiques. On espère qu'il ira loin en avril. C'est la fin de ces titulaires. Déjà, on se revoit. Non, on se retrouve la semaine prochaine. Mardi prochain. Avec une équipe un peu plus au complète, logiquement. Un peu plus complétée par Arthur Vincent. Et notamment avec Quentin Martel et pourquoi pas Kevin. Allez, si on est au complet, ça serait génial. Si on fait un perfect, ça serait fantastique. Pas de Rotaldo pour la seconde fois cette saison. Ça serait génial. Merci les amis d'avoir été avec nous. On se retrouve donc mardi. Ciao. Les titulaires avec Johan Bredov sur StudiQuest.